femme dans le couchant, par Jean-Pierre Bouguier. Une femme dans la lumière de l'Occident, vers 5 heures du soir à l'automne. Le soleil décline doucement, une fin d'après-midi chaud en arrière-saison. Le visage se colore des flamboiements qui commencent. Les feux du soleil passent sous l'horizontale du rideau roulant. Elle l'a descendu à mi-hauteur depuis midi, afin d'éviter la chaleur envahissante. Par la fenêtre entr'ouverte, on entend régulièrement le timbre clair du tramway. La femme est assise sur un fauteuil recouvert de tapisseries à fleurs couleur lit de vin. Elle a revêtu une robe à manches courtes. Le crêpe de Chine s'orne d'un motif géométrique chamarré sur un fond écru. Elle vient de jeter négligemment un tablier bleu ciel sur la table basse à ses pieds. Les extrémités de la ceinture se balancent doucement dans l'air tiède. À côté du tablier fume depuis un moment une tasse de thé de Ceylan. La femme ne porte pas de maquillage, de mascara, ni de poudre. Elle offre un visage franc, brut, à la lumière chaude, déjà orange. Celle-ci se reflète dans sa cornée. On pourrait y voir un éventuel observateur dont le trait y paraît évident, net, détaillant le tout de ce qu'elle perçoit. La fenêtre y est tout entière dessinée. Le regard qui ne scie pas ne semble poser sur rien, fixe, accommodé sur le lointain sans doute. On dit souvent pour caractériser un tel regard, les yeux dans le vague. Elle tient donc ses yeux dans le vague. Où se perd sa pensée en cet instant, car elle pense, fatalement, à quelque chose. À un vêtement dans une vitrine, aux honoraires qu'il a fallu payer chez le dentiste, à la carte postale niaise qu'elle vient de recevoir, à cette réplique amusante de la comédie de boulevard entendue hier soir à la télévision, à un chagrin ancien, au mari, aux parents, défunt de jadis ou de naguère, au remords d'avoir voulu un peu de mal à quelqu'un, auquel elle aurait dû pardonner peut-être, ou bien au regret de n'avoir pas fait telle action qui l'aurait satisfaite, pour une fois. À un roman qu'elle a aimé relire, à un futur navrant, à un passé en grisaille, elle paraît lisse, impassible. Oui, elle pense fatalement à quelque chose, gai ou triste, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Tout s'envole, à chaque instant de la vie. Le corps immobile, la figure impavide, laisserait supposer qu'elle médite devant le couchant. Elle le regarde en face, jusqu'à s'en éblouir. Elle fait face, en effet, malgré tout. Elle n'éprouve pas la peur. Cette femme svelte n'est pas si jeune que l'absence de rides ou la fine silhouette autoriserait à l'imaginer. Son menton sans pattes, de petites pattes d'oie se devinent au coin des yeux. Quelques légères vénules violacées serpentent sur les ailes du nez pointu. La bouche abaisse les commissures des lèvres minces, comme mangée de l'intérieur. Son corps parle pour elle. Un miroir grossissant gît, inutile, sur la table basse, à portée de main cependant. Est-il instrument de lucidité ? Ou bien dernier serviteur de la vanité de paraître. Sans nul doute, comme toute créature, cette femme a vécu, souffert, aimé. Elle a aussi beaucoup rêvé. Elle s'est affligée souvent de son présent, de son passé. Et elle n'espère plus de son futur. Elle s'est refusée à oser, à forcer de supputer les impossibles. L'habite une grande tristesse calme. Et depuis un long temps. Pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Pour quel motif réel ou imaginaire ? Pour quels sentiments réprimés ou cachés ? Pour quelles émotions inavouables ? Son désenchantement révèle-t-il une incapacité maladive à comprendre qui elle est ? Ou bien un accablant traumatisme ancien ? Ou encore l'humiliation d'outrage qui la blesse obstinément ? Avec application, elle a cultivé un désamour d'elle-même, une résignation qui ne renonce à rien, avec à leur suite une farandole de douleurs auxquelles elle s'est laissée aller, depuis des décennies, avec l'inconstance de l'habitude. Toujours elle savoure son secret abandon. Encore et encore elle sonde sa solitude. Avec méthode, elle vérifie l'absence de recours, l'irrémédiable absence de la moindre illusion. Rien à rattraper, rien à prévoir, rien. Comme posée dans un décor, elle est là, voilà tout. La femme regarde fixement devant elle. Elle semble s'offrir à l'astre couchant afin que sa lumière révèle une image d'elle-même qui l'étonne, ou du moins la surprenne. Et s'il allait lui divulguer enfin ce qui la fige? Pour l'instant, elle s'accroche, mue par l'assurance de retrouver ses fidèles inconforts. Elle se tient droite, immobile, près de la tasse dont le thé orange ne fume que par intermittence désormais. Manque un chat dormant sur les genoux. Sans doute le petit chat il partit déjà. Reste un corps noblement assis, dont la lumière de l'instant inonde le mystère et les cicatrices. Combien sont-elles, en cette ville, à contempler ainsi la mort du soleil, chaque soir, comme cette femme, ma mère? Jean-Pierre Bouguier, août 2022.